Ok, parfait. Donc, bismillah, alhamdulillah, salat wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hu amma ba'd. Donc, on va continuer. Donc, on va finir le livre, inshallah, ensemble. Donc, on a terminé la dernière citation de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, qui était tirée donc de Majmou' al-Fatawa, le volume 15, page 286 à 287. Ensuite, il y a une autre citation qui est tirée de Minhaj al-Sunnah, Dar al-Ta'arud, le volume 7, page 172 à 173. Le Cheikh, il dit donc que la parole que les salafs ont blâmée, c'est de deux catégories. La première, c'est que cette parole, elle soit en elle-même fausse ou mensonge. Hein? Et donc tout ce qui contredit à la base, tout ce qui contredit le Coran et la Sunna, c'est soit que c'est faux ou que c'est un mensonge. Et la meilleure, la parole la plus véridique, c'est la parole d'Allah. Donc ça, c'est la première catégorie, soit que c'est quelque chose qui est faux ou un mensonge. La deuxième catégorie, c'est qu'il y ait dans cette parole-là un méfait, quelque chose de mauvais, quelque chose de, qui ramène du mal. Comme qu'est-ce qu'on retrouve dans plusieurs d'entre les paroles. Et c'est pour cette raison-là que on a l'interdiction de s'asseoir avec les gens de bid'ah, ou de débattre avec eux, ou de leur adresser la parole, ou également l'ordre de s'écarter d'eux et de les boycotter. Et il dit pourquoi ? Parce que ça, c'est quelque chose qui est plus bénéfique pour les musulmans que de leur parler. Et il dit que lorsque la vérité est apparente et claire, les musulmans la reconnaissent. Et lorsque des gens de bid'ah veulent commencer à appeler à leur bid'ah, il est obligatoire de leur interdire ou de les empêcher de le faire. Et une fois qu'on les a boycottés ou qu'on a cessé de les fréquenter, bien, cette chose-là est établie. Hein, cet objectif-là, il est établi. Et il donne l'exemple de Sabir ibn Asal, encore une fois, comment Omar ibn Khattab a agi avec lui. Et de même que comment les musulmans agissaient de façon générale avec les Mubtadi'a, et que certains d'entre eux ont été même exécutés, hein, ont même été exécutés comme Al-Ja'd ibn Dirham. Et je vous ai raconté peut-être, si c'était pas ici, c'était dernièrement, j'en ai parlé, mais sinon l'histoire de Ja'd ibn Dirham, c'est que c'est quelqu'un qui niait les attributs d'Allah. Il niait les noms et les attributs d'Allah. Et il y a un des dirigeants à l'époque qui s'appelait Khalid al-Qasri, qui lors de la prière de Eid, a fait la khutbah. Il a fait la salat de Eid, après il a fait la khutbah, puis après quand il a terminé la khutbah, il a dit aux gens, aux assemblées d'hommes, aux les gens, allez faire vos sacrifices. Parce que moi je vais égorger ou je vais sacrifier Al-Ja'd ibn Dirham. Parce qu'il a dit que Allah n'a pas parlé à Moussa et qu'il n'a pas pris Ibrahim comme Khalil. Et donc il l'a exécuté pour ses paroles de kufr. Donc Ja'd ibn Dirham, c'est un des hérétiques, un des égarés qui a appelé à la bid'a de la négation des attributs d'Allah et des noms d'Allah. Et ensuite il y a Ghaylan al-Dimashqi al-Qadari, lui aussi, qui a nié la prédestination, donc lui aussi a été exécuté, et beaucoup d'autres parmi les hérétiques qui ont été exécutés à l'époque pour des paroles de kufr ou des paroles de bid'ah de ce genre. Et il y avait dans ça, bien entendu, une maslaha, c'est-à-dire un grand bienfait. Contrairement au fait de les laisser, hein, inviter ou appeler à leur bid'ah. Hein? Tandis que la personne elle appelle à sa bid'a et n'accepte pas la vérité, soit à cause de sa passion ou à cause de parce que la personne est corrompue, sa raison, sa compréhension est corrompue. Et par rapport à ce point-là, on voit que à notre époque, c'est le contraire qui est supporté souvent. Par rapport au bid'a, par rapport au kufr, par rapport à toutes sortes d'idéologies qui sont propagées, puisque il y a des musulmans qui ont été influencés par les idéologies des kuffars et qui pensent maintenant que toute personne a la liberté de croire en ce qu'il veut et de dire ce qu'il veut et de penser comme il veut. On sait que dans l'islam, c'est pas le cas, hein. Dans l'islam, chaque musulman est ordonné d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala dans sa croyance, dans ses paroles et dans ses actions, et qu'il ne peut pas penser comme il veut, croire en ce qu'il veut, appeler à ce qu'il veut, hein, puisqu'il est limité par le Coran et par la Sunna. Mais il y a parmi les égarés maintenant, dans certaines sectes, dans certains groupes, comme les Ikhwan par exemple, qui disent, oui, le musulman il a la liberté d'opinion, liberté d'expression, liberté de croyance. Et ça ouvre la porte aux gens de bid'ah de dire, ben nous on est libre dans ce cas-là d'inventer des bid'ah dans la religion, d'appeler à des idées qui sont contraires au Coran et à la Sunna ouvertement, et personne n'a le droit de nous critiquer ou de nous blâmer pour ça. Et ça c'est complètement bâtil, hein. Donc la liberté dans l'islam, elle se limite ou elle arrête là où, hein, vient le Coran et la Sunna, d'accord. Il n'y a pas de liberté dans ces questions-là. Et celui qui croit qu'il y a des libertés dans la croyance, Cheikh Ibn Uthaymeen, il a une fatwa à ce sujet-là, qui est très célèbre, et il mentionne que ça, c'est une parole de kufr, de penser que quelqu'un est libre de croire en ce qu'il veut. Hein? Et donc aussi, vous avez même des gens dans des pays occidentaux, par exemple, qui ont même poussé ça jusqu'à la limite, et même qui ont prétendu que ils sont des prophètes, hein, et ils commencent leur propre religion et l'État supporte ça et les accepte et leur donne le droit et la liberté de prêcher à ces mensonges là. Donc ça c'est des dajjalin, et pourtant on leur dit que oui, ils ont le droit de faire ça, yani, ouvertement et normal, sans problème. Donc ça c'est des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis, qu'il allait avoir des faux prophètes, qu'il allait avoir des menteurs qui allaient se prétendre prophètes à la fin des temps. Et lorsque, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou après, à l'époque des sahaba, quelqu'un s'était prétendu prophète, il a été combattu par les sahaba. Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, il a combattu avec les sahaba, Musaylama al-Kadhab, hein, jusqu'à ce qu'il soit tué à la fin. Donc, de prétendre que des gens ont le droit de dire ou de penser ou de croire en ce qu'ils veulent, c'est comme s'ils disaient qu'on a le droit d'avoir un nouveau prophète aujourd'hui. Hein? C'est la même chose. Allah musta'an. Donc, dans l'islam, dans la religion, il y a eu des règles et des principes qui ont été établis, hein, selon le Coran et la Sunna, et qui ont été établis et pratiqués par les sahaba et par les tabi'in et ceux qui les ont suivis pour justement fermer la porte à ces gens-là qui appellent à la bid'ah, qui veulent ramener des bid'ah, qui veulent propager des sectes ou des égarements. Et certains, comme le cheikh il le mentionne, certains ont été exécutés, d'autres ont été punis de différentes façons, et ils étaient boycottés par les gens, et par les ulama, par les gens, par la société en général, hein. Et donc tout ce que les ulama ont mentionné du fait qu'on ne doit pas interagir avec les gens de bid'ah et on ne doit pas les côtoyer ou ainsi de suite, tout ça c'est parce que dans le fait de côtoyer ces gens-là, il y a un méfait pour les musulmans et un mal pour eux. Donc ça c'est ce qui complète donc la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Maintenant le Cheikh il a mentionné les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, qui est mort en 751, et c'est l'élève de Ibn Taymiyyah, et son nom c'est Muhammad ibn Abi Bakr ibn al-Qayyim, et il mentionne donc en parlant de l'historique, comment se sont développées les différentes sectes, dans son livre Sawa'iq al-Mursala, il explique que lorsque la terre a commencé à devenir, à s'obscurcir, lorsque la terre a commencé à s'obscurcir et que les gens se sont comme éloignés de la lumière de la révélation, et que les gens se sont divisés en sectes et en groupes et en parties dans la fausseté, et que rien ne pouvait les réunir par la suite, il mentionne qu'ils ont perdu la lumière de la prophétie, Et on ne peut pas calculer le nombre d'entre ceux qui se sont perdus. Et ils s'en sont retournés à quoi? À la raison, soi-disant à la logique grecque ou d'autres types de logique qu'ils ont inventées. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a fait réapparaître la lumière de la révélation et du message dans ces ténèbres-là par une lanterne qui éclaire. Et il a mis sa grâce sur les hommes de la terre. Et il a illuminé par ça leur raison, leur cœur et leur vie. Et donc, par cette grâce, ils ont pu donc retrouver la vision et la lumière de la révélation. Et ce n'était pas juste par leur raison qu'ils ont vu, mais par la clarté de la révélation et du message qui avait été ramené. Donc, la première génération qui ont connu cette révélation-là et qui ont connu cette lumière, ils l'ont suivie. Et elle ne s'est pas éteinte par les passions. Elle n'a pas été non plus éteinte par les différentes opinions que les gens ont ramenées. Ils se sont accrochés fermement à la révélation. Et ils ont enseigné et enjoint à ceux qui sont venus après eux de ne pas se diviser de cette lumière et de la garder et de la préserver. Et de ne pas sortir de cette voie qu'ils ont empruntée, qu'ils ont suivie. Puis, quand est venue la fin de leur époque, des égarements sont apparus parmi les égarements des Shia, des Khawarij, des Qadariya, des Murji'a. Et ils se sont éloignés un peu de cette lumière qui était venue et que les premiers imams avaient, à laquelle les premiers imams s'étaient accrochés. Mais ils ne s'en sont pas écartés complètement parce que les textes sont toujours restés là. Il y a toujours les textes du Coran et de la Sunna qui sont respectés et les ulama retournent vers ces textes-là pour trouver les preuves et les arguments. Et ils prennent ces textes-là et les mettent au-devant des opinions, au-devant de la raison. Et personne n'a prétendu opposer les textes en se basant sur ce genre d'arguments rationnels ou de soi-disant opinions, soi-disant logiques. Ils ne se sont pas basés sur des mauvaises compréhensions ou leurs propres opinions ou leurs logiques. Ils restaient quand même accrochés aux textes. Ils ont suivi ceux qui les ont précédés, parmi ceux qu'ils ont connus des sahabas et des grands parmi les tabi'in dans chaque région. Et ils ont averti contre les voies des égarements des gens de bid'ah. Et ceux qui sont apparus parmi les gens de bid'ah, ils ne leur donnaient pas le salam. Et ils ne s'assoyaient pas avec eux et ils ne leur parlaient pas. Comme c'est connu dans les livres de la Sunna. Et ça, c'est ce qui est le plus mentionné à leur sujet dans ce genre de choses. C'était juste pour mentionner, donc il fait une petite historique pour montrer qu'au début, il n'y avait pas de. Avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de lumière, les gens étaient dans les ténèbres. Puis l'islam est apparu, les gens se sont accrochés à cette lumière-là. Et petit à petit, plus que les siècles ont passé, il y a des bid'ahs qui se sont apparus et les gens ont commencé à essayer de se retourner à autre chose que le Coran et la Sunna. Et puis, malgré tout, parmi eux, il y avait des gens qui sont restés accrochés à la voie des salafs. Et c'est ce que le cheikh explique. Et il mentionne à la fin que parmi ceux qui se sont accrochés à la Sunna, eh bien, ils ont continué à ne pas donner le salam aux gens de bid'ah, ne pas s'asseoir avec eux, ne pas parler avec eux, et ainsi de suite, comme c'est mentionné dans les livres de la Sunna. Puis il dit ensuite, toute bid'ah qui égare dans la religion, à la base, elle est basée sur le fait de dire à propos d'Allah quelque chose dont on n'a pas de science. C'est-à-dire, c'est basé sur le fait de parler sans science à propos d'Allah. Et c'est pour ça que les salafs et les imams de la religion ont crié contre ces gens-là, contre les gens de bid'ah. dans les différentes régions de la terre. Et ils ont mis en garde contre la fitna que ces gens-là représentaient. Hein? Et ils ont mis en garde de façon très sérieuse. Hein? Et ils sont allés jusqu'à la limite dans l'avertissement contre ces gens-là. Et dans la dénonciation des perversités et de l'injustice et de la transgression que ces gens-là ont ramené, parce que les méfaits et le mal qui est dans la bid'a, hein, et c'est quelque chose qui est tellement grave, hein, que yani, il fallait utiliser ces moyens-là, puisque c'est, sinon c'est la religion elle-même qui allait être détruite. Donc pour préserver la religion de la destruction, ils ont adopté ces méthodes-là. Hein. Et il mentionne ensuite les paroles de l'imam Muhammad ibn Muflih al-Maqdisi al-Hanbali, qui est mort en 763. Dans son livre Al-Adab al-Shar'iyya, il dit que Al-Qadi a rapporté que l'imam al-Khalal, le compagnon de l'imam Ahmad, a dit, selon Ibn Mas'ud, qu'il a vu un homme qui riait dans une janaza. Il lui a demandé: qu'est-ce qui te fait rire? Hein? Est-ce que tu ris alors qu'il y a une janaza? Je te parlerai jamais par la suite. En voulant dire que quelqu'un qui agit de cette façon-là, il cessait de lui adresser la parole par la suite, parce que c'est pas un comportement qui est en accord avec la sunna. Il dit, wabi isnadihi, il rapporte également avec une chaîne de transmission selon Mujahid qu'il a dit à Abdullah ibn Abbas: il y a un homme qui est venu pour te parler à propos du qadar, à propos de la prédestination. Alors Abdullah ibn Abbas a dit, si tu l'avais amené, je t'aurais frappé la tête, ou j'aurais frappé ta tête. En voulant dire, yani, je ne veux pas parler avec ces gens-là, ni m'asseoir avec eux. Hein, c'est ça qu'il a dit. Et si tu l'avais ramené, je t'aurais frappé ta tête. Il a dit ensuite, je ne veux pas parler avec eux, je ne veux pas m'asseoir avec eux. C'est-à-dire les gens qui nient la prédestination. Les gens qui nient la prédestination et qui veulent rentrer dans des débats à ce sujet-là. Et vous savez que parmi les koufars, le sujet de la prédestination, c'est un sujet, hein, qu'ils aiment philosopher à ce sujet-là. Hein, ils ont plein de discussions, plein de livres écrits à ce sujet-là. Et les gens de bid'a, parmi les Mu'tazila et les Jahmiya et autres, c'est des gens qui aimaient faire ça. S'asseoir à propos des questions qui ont rapport avec le raïd ou qui ont rapport avec les fondements de la aqidah, puis juste commencer à discuter comme ça. C'est quoi ton opinion sur ça? Qu'est-ce que tu penses sur le qadar? Qu'est-ce que tu penses sur ça? Et ils laissent de côté le Coran et la Sunna, puis ils commencent à essayer de débattre sur ces trucs-là, yani, sans preuve, sans révélation. Et donc ça, c'est la porte ouverte vers l'égarement. Hein? Après, il mentionne une parole de Saïd ibn Jubayr, qu'il a dit à Ayyub: ne t'assois pas avec Talq, parce que Talq ibn Habib, parce que lui c'est un murji. Donc il lui met en garde contre lui. Il dit: ne t'assois pas avec la personne qui s'appelle Talq ibn Habib, parce que c'est un murji. Ça, c'est la preuve que nos salafs, ils mettaient en garde contre des gens, et même parfois en citant leur nom. Hein? Contrairement à ce que certaines personnes aujourd'hui qui disent, quand on met en garde contre quelqu'un, il faut pas dire le nom. Hein? Ça, c'est faux de penser que c'est pas permis de mentionner le nom. C'est vrai que dans certains cas, on mentionne pas le nom pour des raisons, parce que ça peut ramener un plus grand mal de le mentionner. Des fois, la personne qui appelle à une bid'a, elle n'est pas connue. Elle n'est pas connue, personne ne le connaît. Et il n'est pas très propagé, cette bid'a. Si tu vas commencer à prononcer son nom ou à mettre en garde contre lui publiquement, ben ça va faire en sorte que cette bid'a là, elle va être connue partout par la suite. Tu vas faire de la publicité pour lui. Donc dans ce cas-là, c'est mieux de ne pas le faire. Mais sinon, si elle est devenue généralisée, cette bid'a, tout le monde entend parler de cette personne, là, c'est mieux de mettre en garde publiquement, ouvertement, et de mentionner le nom de la personne pour que les gens puissent être avertis. Ici aussi, c'est mentionné que Ibrahim a dit à un homme qui a parlé de l'irja en sa présence. Hein? Il a dit: tu te lèves d'ici et tu ne reviens plus nous voir. Hein? Il a dit: tu te lèves et tu ne reviens plus vers nous. Hein? Tu viens plus nous visiter. un autre homme, un autre parmi les salafs qui dit Muhammad ibn Ka'b al-Qurzi, il dit ne t'assois pas avec les gens du Qadar et n'argumente pas avec eux. C'est-à-dire ne t'assois pas avec les gens qui nient le Qadar et n'argumente pas avec eux. Et un autre qui s'appelle, un autre parmi les salafs, Hamad ibn Salama, lorsqu'il s'est assis, il dit, lorsqu'il est venu pour s'asseoir, il a dit, celui qui est un qadari, qu'il se lève. Hein? Il vient s'asseoir, puis il dit aux gens, parmi vous, s'il y en a un qui est qadari, qu'il se lève. C'est-à-dire en voulant dire qu'il s'en aille. C'est-à-dire, s'il nie le qadar, je ne veux pas qu'il soit assis devant moi. Et selon Taous et Ayyub et Sulaiman al-Taymi et Abis-Souar et Younes ibn Ubaid, les mêmes paroles, les mêmes significations ont été mentionnées. Les mêmes significations et les mêmes paroles ont été mentionnées par rapport aux gens de Bid'a. Et Al-Qadi, il a dit, et ça c'est l'ijma' des Sahaba et des Tabi'in. C'est le consensus des Sahaba et des Tabi'in. Ensuite, la parole de Al-Allama Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Shatibi. L'imam al-Shatibi, il mentionne dans son livre Al-I'tisam, en expliquant les différentes formes de blâme qui sont faites aux gens de Bid'a, qu'il y a des blâmes qui sont générales, hein, qui sont pas spécifiques à une innovation par rapport à une autre. Et il mentionne ensuite, il dit, et la troisième, et troisièmement, il dit, l'ijma des salaf, as-salih, des sahaba et des tabi'in, et ceux qui sont venus après sur le blâme, hein, des bid'a et des mubtadi'a, et le fait de les déclarer comme étant laides, et de s'enfuir de celles-ci, et de s'enfuir de ceux qui ont, il y en a cette caractéristique, ou qui ont cette bid'a en eux. Donc le cheikh il mentionne que ça c'est une chose qui a été mentionnée de la part des salafs, et c'est un ijma' qui est, hein, tel qu'on le constate en lisant leurs paroles, que c'est un ijma' qui est ferme, qui est établi, hein. Et ça c'est la preuve que toute bid'a est, ne fait pas partie de la vérité, et que la bid'a est donc quelque chose qui fait partie de la fausseté ou du faux. Ensuite, la parole du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, cet imam qui est un des imams parmi les réformateurs, hein, du XIIe siècle, qui est à la base de la da'wah qui est apparue dans le Najd, hein, et qui est à l'origine même de l'état actuel en Arabie Saoudite, qui est établi sur la sunna, la salafiyya et le tawhid. Et donc cet imam, il dit dans sa lettre qu'il a écrit aux gens de Qasim, je prends Allah comme témoin et ceux parmi les anges qui sont présents, et je vous prends vous-même comme témoin de ce que j'ai comme aqida, qui est la aqida du groupe sauvé et des gens de la sunna et de la jama'a. Puis ensuite il a mentionné les résumés ou les grandes lignes de la aqida des salaf et des gens de Ahl Sunnah wal Jama'a. Puis parmi les éléments qu'il a mentionnés de cette aqida, il a dit, et je vois qu'il faut s'écarter des gens de bid'a, hein, et se séparer d'eux jusqu'à ce qu'ils se soient repentis, et je les juge selon ce qu'ils montrent en apparence, et leur intérieur je le remets à Allah, hein, et je crois que toute innovation, toute chose inventée dans la religion est une bid'a, est une innovation. Et ça donc, ça s'est tiré du livre, de la lettre du cheikh aux gens de Al-Qasim. Et cheikh Al-Fawzan, il a fait un sharh de cette lettre. Et également, cheikh Zayd Al-Madkhali a fait un sharh aussi de cette lettre. Parmi les gens qui ont suivi, parmi les élèves du cheikh, le cheikh Abdel Latif ibn Abdelrahman al-Sheikh, qui est mort en l'an 1293, il dit, rahimahullah, dans une mise en garde qu'il a fait contre certains d'entre les égarés et les gens de Bid'a dans la région de Amman, hein, et il leur a écrit quelques pages, hein, parce que les gens de Bid'a avaient écrit quelques pages pour égarer et mélanger les gens du commun d'entre les musulmans et les confondre dans leur religion. Alors il a écrit pour leur clarifier les choses. Et il a dit, donc parmi les éléments qui ont été transmis de la part des salafs et des imams de la Ummah, de la part des imams de la, et également de la part de l'imam de la Sunna, Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, hein, qu'il faut être sévère dans le fait de s'écarter des gens de Bid'a et de les laisser, hein, de ne pas rester avec eux et de ne pas débattre avec eux et de rejeter leurs paroles et de s'écarter d'eux selon la capacité et de se rapprocher d'Allah en les détestant et en les blâmant et en les critiquant. Donc ça c'est dans Majmou' al-Rasail al-Najdiyah. Et il cite encore les trois paroles de trois d'entre les imams, l'imam Ibrahim ibn Abdul Latif al-Sheikh, le Sheikh Abdullah ibn Abdul Latif al-Sheikh et le Sheikh Sulayman ibn Sahman al-Najdi. Sulayman bin Sahman al-Najdi. Les trois, le premier est décédé en 1329, le deuxième en 1339 et le troisième en 1349. Ils ont dit, rahimahumullah, dans une réponse qu'ils ont écrite, en ce qui concerne ce que tu as mentionné comme preuve, comme par rapport aux preuves de la personne qui est dans la contradiction de la Sunna, qui a mentionné que yani celui qui prie notre prière et ainsi de suite, il essaie d'argumenter en se basant sur ce hadith pour établir un point. Et le cheikh, il lui répond sur cet argument-là qu'il ramène dans ce hadith. Et il dit, ce genre de hadith, la personne qui utilise ça comme preuve, c'est une personne qui est ignorante des textes du Coran et de la Sunna. Elle ne sait pas, et elle ne sait pas qu'elle ne sait pas. Hein? Donc c'est une personne qui est dans l'ignorance. Et ça c'est, il dit donc que ça c'est en général, c'est la façon dont les gens de passion agissent dans cette Ummah. Hein? Et que sa bid'a ne le fait pas sortir de l'islam. Comme par exemple les Khawarij et les gens de ces catégories-là. Donc ceux-là, ils ne rentrent pas dans le coffre parce que ils ont la base de la foi qui est établie en eux, et donc on ne va pas juger à leur sujet qu'ils sont en dehors de yani de la foi, excepté s'ils ramènent quelque chose qui vient nier ou opposer la réalité de cette foi, comme quelque chose qui vient annuler la base de la foi, parmi les nawaqid de l'islam. Et il dit qu'on doit se baser plutôt sur le principe que la personne, elle reste sur la base sur laquelle elle est, jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui vienne opposer cette base. Comme par exemple, si quelqu'un est musulman, eh bien on le considère comme étant musulman, jusqu'à ce qu'on ait la preuve qu'il ait ramené quelque chose qui vient annuler cet islam. Et si quelqu'un est kafir, eh bien on va considérer qu'il est kafir jusqu'à ce qu'il ramène les éléments qui vont faire en sorte qu'il va devenir un mu'min. Comme par exemple qu'il déclare Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, puis qu'il applique les piliers de l'islam. Ensuite il dit donc, toutefois ces gens-là vont être déclarés comme étant mubtadi'a. Ils ne sont pas des kuffars, mais toutefois on va les déclarer comme mubtadi'a. Et comme étant des gens qui sont égarés. Et des fois, c'est ça, il y a des gens qui disent, comment quelqu'un est musulman, tu dis qu'il est égaré. Et ils pensent que, quand tu dis ça d'un musulman, que ça veut dire qu'il est kafir. Non, ça ne veut pas dire qu'il est kafir. Un musulman peut être égaré dans le sens que, la guidance, c'est quelque chose qui est relatif. Tu peux avoir beaucoup de guidance, comme tu peux avoir moins de guidance. Hein? Et le kafir, il n'a pas de guidance du tout. Tandis que, parmi les musulmans, plus quelqu'un est accroché au Coran et à la Sunna, plus il est guidé, plus il s'éloigne du Coran et de la Sunna, moins il est guidé. Hein? Et C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit même dans le Coran, wa yazidu Allahu alladhina ihtadaw huda. Il augmente ceux qui ont été guidés en guidance. Donc c'est possible d'augmenter en guidance. Ça prouve que la guidance, c'est pas quelque chose qui est une, hein, stable ou fixe, hein. Il y a des degrés dans la guidance. Et donc, quelqu'un peut être musulman et être égaré. Comme par exemple, s'il est dans la bid'a, ou dans le péché, ou des choses comme ça. Et donc, le cheikh, il dit ici, donc, on va les déclarer comme étant égarés, et qu'il est obligatoire de s'écarter d'eux, et de les déclarer comme tels, c'est-à-dire comme de les déclarer comme étant des égarés, et de mettre en garde contre le fait de s'asseoir avec eux ou de se réunir avec eux. Hein? Et ça, c'est la voix des salafs. Hein? À propos de cette catégorie de personnes. Et ça, c'est tiré de, du livre Ijma'u Ahl Sunnah al-Nabawiyya ala takfir al-Mu'attila wal-Jahmiyya. Et il mentionne ensuite les paroles de Cheikh Sulayman bin Sihman. Sulayman bin Sihman, c'est un des imams, un des chouyours parmi les gens qui ont été parmi les imams de la da'wah salafia dans le Najd. Et il est connu parce qu'il a écrit de nombreuses réfutations. Il a écrit de nombreuses réfutations contre les gens de Bid'ah à son époque. Il était connu comme ça, l'homme aux réfutations. Hein? Et il a écrit un livre qui s'appelle « Kashf al-Shubhatayn », le dévoilement de deux shubhas. Et il dit dans ce livre-là, sache que Allah te fasse miséricorde, que sa parole et les paroles de ce genre, de la part des salafs, au sujet de s'opposer et d'avoir de l'animosité envers les gens de la bid'a et de l'égarement, et c'est-à-dire un égarement qui ne fait pas sortir de la religion, mais donc il dit que ça c'est quelque chose qui est courant chez les salafs, qui a été établi chez les salafs, et ils ont été durs dans cet aspect-là, et ils ont mis en garde contre eux pour deux raisons. Hein? Pour deux choses. Premièrement, à cause du danger et de la gravité de la bid'ah par rapport à la religion en elle-même, parce que pour les salafs, la bid'ah est plus grave que les grands péchés, la bid'ah est plus grave que les kaba'ir. Et ils agissent envers les gens de la bid'a d'une manière qui est plus rude et plus dure qu'envers les gens qui ont des grands péchés. Et il dit, comme tu trouves dans le cas des gens en général, qu'ils ont plus de haine envers les rafidah que envers, par exemple, ils vont avoir plus de haine envers un rafidah, un rafidi, quelqu'un qui est sur la religion des rafidah, qui insulte les sahaba. Hein, et qui adore les morts, ils vont avoir plus de haine contre lui, même si c'est quelqu'un qui est un adorateur et qui est savant dans la voie des rafidah, que pour un musulman sunni qui fait des péchés publiquement ou ouvertement. Mais il déteste le rafidi plus, parce que le rafidi, il oppose la religion dans les fondements de la religion, tandis que le pécheur parmi les gens qui sont sur la sunna, parmi les musulmans qui sont sunnis, eh bien, il a un péché, mais c'est pas quelque chose qui oppose dans les fondements et les principes de la religion. Deuxième point, la deuxième raison pourquoi ils ont été sévères dans la mise en garde et l'avertissement et le fait de s'écarter des gens de bid'ah, c'est parce que la bid'a amène à l'apostasie. La bid'a peut même faire tomber quelqu'un dans l'apostasie, c'est-à-dire dans le coffre. Hein? Et ça, c'est quelque chose qu'on a trouvé chez de nombreux gens parmi les gens de la bid'a, qu'ils tombent à la fin dans ridda. Puis il dit, il a mentionné un nombre de paroles des hommes de science, hein, et de leur position et de leur façon d'agir avec les gens de bid'ah, et comment ils les ont boycottés et mis en garde contre eux, et comment ils se sont séparés d'eux. Puis ensuite il dit, si on commençait à vouloir ramener les paroles des ulama pour expliquer ce sujet-là, eh bien ce serait très très long. Donc il dit, le but c'est juste de faire hein, de mettre notre attention sur ce, sur cette guidance qui est la guidance du messager sallallahu alayhi wa sallam, celle des sahaba et des tabi'in qui les ont suivis de la meilleure manière, et qu'il faut donc boycotter les gens de la désobéissance, de la bid'a, et que ça c'est quelque chose qui a été établi et appliqué par les meilleurs d'entre les imams et les ulama. Alors celui qui veut prendre leur guidance et suivre leur voie, alors il est certes sur le droit chemin. Donc ça c'est la fin de cette parole de cet imam. Ensuite il cite les paroles de l'imam Muhammad ibn Abdul Latif al-Sheikh, qui est mort en l'an 1367, et il dit, après avoir cité une parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah à propos du Hajr et de la question du bienfait qui est relié à ça, et de prendre le bienfait en considération et la maslaha en considération, il dit: regarde, ô toi qui es la personne juste, hein, et qui regarde les choses avec un œil juste. Il dit: fais attention au fanatisme, hein, et regarde comme il faut à qu'est-ce que l'imam Ibn Taymiyyah a dit, du fait que dans le fait de s'écarter des jeunes bid'a, il y a une puissance et une force pour la religion, et que s'ils sont musulmans, c'est-à-dire si ces gens-là que tu vas boycotter sont des musulmans, mais qu'ils sont des gens qui ont des péchés, hein, et qui ont commis quelques péchés ou quelques fautes, alors il dit que tu dois t'écarter d'eux jusqu'à ce qu'ils cessent de commettre cette désobéissance et ce péché-là. Tandis que le mushrik et le mubtadi, il n'y a pas de divergence sur le fait de les boycotter et de s'écarter d'eux. Il n'y a pas de divergence à ce sujet-là, sauf chez la personne qui a peu de science et une petite portion de la science qui a été héritée des prophètes. Paix et salut sur eux. Donc ça c'est cette citation-là qui est tirée de Ad-Durar al-Saniya. Et la dernière citation qu'on va mentionner, c'est la parole de Cheikh Hamoud ibn Abdullah al-Tuwayjiri, qui mentionne dans son livre à propos de Jama'at Tablir, il a écrit un livre pour réfuter Jama'at Tablir qui s'appelle Al-Qawl al-Balir fi al-Tahdhir min Jama'at al-Tablir. Il dit que les salaf al-Salih, ils mettaient en garde contre les gens de bid'ah, et ils allaient à la limite, hein, dans cet élément-là, dans le fait de mettre en garde contre eux. Et ils interdisaient de nous asseoir avec eux et de les accompagner et d'écouter leurs paroles. Et ils ordonnaient de se séparer d'eux et de leur déclarer notre animosité, d'être en animosité avec eux et de les détester et de les boycotter, de s'écarter d'eux. Puis il a cité ensuite les paroles de l'imam As-Sabuni qu'on a mentionné précédemment. Puis il a cité certaines citations des salafs, comme la parole de l'imam Al-Awza'i. Il a dit, donc il dit, ceux qui vous ont précédé, c'est-à-dire en parlant il parle des salafs, dit les sahaba, ceux qui étaient là avant nous, les langues des gens de bid'a étaient, ils les prenaient comme quelque chose de dur, c'est-à-dire ils n'aimaient pas les langues des gens de la bid'a, et ils avaient un dégoût, hein, dans leur cœur vis-à-vis des gens de la bid'a. Il y avait dans leur cœur du dédain et du dégoût pour les gens de la bid'a, et ils mettaient les gens en garde contre leur bid'a jusqu'à ce qu'ils disent ensuite, et la parole des salaf et de ceux qui sont venus ensuite parmi les imams qui ont suivi au sujet de la mise en garde contre les gens de bid'a et l'ordre de s'écarter d'eux et de s'écarter de celui qui penche vers eux, et c'est très nombreux, il y en a beaucoup. Donc il dit ensuite, le Cheikh Khalid al-Zufairi, comme commentaire par rapport à cette parole-là, il dit: regarde mon frère en Allah, est-ce que tu as vu dans les paroles de ces imams qu'on a mentionnés une trace du manhaj qui est innové et inventé à notre époque, qu'on appelle aujourd'hui le manhaj de Al-Muwazanat? Donc est-ce qu'on a vu dans les paroles qu'on a lues, des paroles qui ont été citées des salafs, quelque chose qui a rapport avec Al-Muwazanat, que quand on va parler d'un mubtadi, on va mentionner le bien qu'il a, des bonnes qualités de ce qu'il fait, ou des choses de ce genre, hein? Donc aujourd'hui c'est comme ça, à chaque fois que tu vas parler d'un mubtadi, que tu vas mettre en garde d'un mubtadi, il va commencer, quelqu'un va commencer à t'énumérer le bien que cette personne-là a fait pour l'islam et pour les musulmans. Hein? Tu parles d'un mubtadi, tu mets en garde contre lui et contre ses égarements et contre ses paroles qui parfois sont des paroles qui vont même aller jusqu'à au coffre parfois, tellement c'est grave. Et tu mets en garde contre lui et ils te disent oui mais après il a fait beaucoup de bien pour l'islam, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Hein? Allah musta'an. Donc est-ce que le fait que quelqu'un a fait des choses bonnes dans sa vie, ça fait qu'on doit se taire sur toutes les faussetés qu'il a mentionnées et tous les égarements qu'il a ramenés, et à cause de quelques biens qu'il a fait, hein, on laisse passer tous les égarements qu'il ramène? Donc ça c'est pas quelque chose de raisonnable. Et donc on voit pas de la part de ces grands imams là qu'ils ont parlé de Al-Muwazanat. C'est pour ça qu'il dit, est-ce que tu as vu quand on a parlé de quelque chose qui a rapport avec Al-Muwazanat dans les paroles des imams, et est-ce qu'ils ont ordonné ou imposé aux gens de mentionner les hasanat des gens de bid'ah? Jamais, hein? On n'a jamais trouvé ça dans les paroles des salaf, et ils n'ont pas mentionné autre chose que le fait de les détester, de les humilier, de les avilir, de s'écarter d'eux et de les boycotter, hein? Et même que les gens de la sunna ont toujours continué à blâmer et à critiquer les gens de la bid'a, comme ça a été mentionné par l'imam Ibn Abi Zamanayn. Parce que le mubtadi, si tu mentionnes ses qualités, alors c'est comme si tu l'as embelli. C'est, tu as embelli sa voix, les choses qu'il fait. Les gens vont commencer à le regarder par la suite, ils vont être attirés par lui au lieu d'être repoussés et éloignés de lui. Alors, suis, hein, les voix des, la voix des salaf al-salih, parce que leur voix, c'est celle qui est la plus sécuritaire, la plus, c'est celle qui est basée le plus sur la science et le, qui est basée le plus sur la sagesse. Donc ça, c'est ce qui vient conclure, hein, les paroles qui ont été mentionnées par le Cheikh Khalid al-Zufayri. Et il cite ensuite une longue citation de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, en particulier à propos, le hajr, à propos du hajr. Mais les points qu'il mentionne, on en a parlé de toute façon à travers l'explication du dars. Donc on va le laisser pour l'instant. Et pour terminer, donc juste pour dire que maintenant, après avoir lu ce livre, parce que c'est un livre qui n'avait pas été encore traduit en français, toutefois les frères anglophones de l'Angleterre, ils l'ont traduit depuis longtemps déjà. Nous, on est en retard. Donc, et allez, c'est pour dire que c'est essentiel pour le musulman salafi à notre époque qu'on soit au courant des paroles de nos salafs et qu'est-ce qui est mentionné dans ce livre, puisque c'est des choses qui vont nous clarifier beaucoup de choubouhat à propos de qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui de la part de certains, même de la part de certains qui se disent salafi, hein, au sujet de la mise en garde contre les innovateurs, contre les jeunes bid'ah, et la défense des innovateurs et des choses de ce genre. Et quelqu'un qui, parmi les musulmans, parmi les salafiyines, parmi les jeunes, qui veut s'accrocher à la voie des salafs, lit ce livre-là comme il faut et comprend bien qu'est-ce qui est dedans et connaît les bases, les principes, ça va l'éclairer dans sa compréhension et dans sa façon de suivre la voie, et il va yani prendre en considération les avertissements qui ont été donnés par nos salafs. Ils vont savoir que les salafs, c'était les gens qui étaient les plus sincères pour la Ummah et qui voulaient le plus le bien des musulmans. Parce que si yani, quelqu'un veut, yani, si, quand tu vois, tu lis ces paroles-là, comment ils nous avertissent, comment ils nous mettent en garde, ça, ça peut pas venir de quelqu'un, excepté de quelqu'un qui a un intérêt pour toi, quelqu'un qui veut du bien pour toi. Et comme je dis, les salafs, c'est ceux qui ont voulu le plus le bien de la Ummah et qui ont toujours fait tout ce qui était en leur pouvoir pour défendre l'islam, le Coran et la Sunna. C'est des gens qui ont passé leur vie à étudier les chaînes de transmission et les textes du hadith et à les mémoriser et à les écrire. Et ils ne faisaient pas ça pour gagner de l'argent. Ils ont vécu la plupart de leur vie, ils étaient pauvres. Et aujourd'hui, on voit que des livres sont publiés sur la religion et que les gens maintenant font un commerce de ça. À l'époque, les salafs, ils ne faisaient pas ça pour commerce. Ils allaient partir d'une ville à l'autre, même des fois ils allaient faire 4, 5, 6 villes à travers les terres de l'islam, à dos de chameaux ou à dos d'ânes, et ils voyageaient pendant des mois pour arriver d'une ville à l'autre pour un seul hadith. Donc imaginez la sincérité d'un homme qui fait ça, juste pour un hadith qui veut vérifier son authenticité, ou savoir de qui il a été retourné, à qui il a été révélé pour la première fois, pour savoir est-ce qu'il peut entendre ce hadith-là directement de celui qui l'a rapporté. Il fait 4-5 villes comme ça pendant des mois, il part avec son chameau ou avec son âne pour vérifier ça. Donc les salafs, ils ont fait ça pour Allah, et toute leur vie, tous les sacrifices qu'ils ont fait pour la religion d'Allah, c'est uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont mis en garde contre les gens de bid'a, c'est pas pour de l'argent ou pour de la célébrité ou pour de la popularité ou autre, uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour défendre la religion d'Allah. Et aujourd'hui les imams et les shuyukh et les ulama de la salafia, c'est la même chose. Ils font pas ça pour rien d'autre que pour défendre le Coran et la sunna et la compréhension des salafus salih. Donc toute personne aujourd'hui maintenant qui vous dit par exemple, ça c'est la voie des salafs, ça c'est la compréhension, ça c'est la compréhension des salafs, ou moi je suis salafi, eh bien, qu'il ramène les paroles et les citations des salafs. Parce que c'est ça qui va déterminer si on est sur la voie des salafs ou non. Comme Cheikh Al-Fawzan, Hafizallah, il le dit à chaque fois. Il le dit, le fait de se dire salafi, c'est pas une question de prétendre, c'est pas quelque chose que tu vas prétendre avec ta bouche. C'est qu'est-ce que tu vas ramener comme preuve. Et donc, il faut en premier connaître c'est quoi la voie des salafs. Donc, si tu as connu la voie des salafs, tu as connu la aqida des salafs, tu as connu leur manhaj avec les preuves du Coran et de la sunna et des hadiths, des citations des salafs, là, tu peux dire, si tu suis ça, oui, je suis un salafi. Mais si tu connais pas les paroles et les positions des salafs, tu dis, je suis salafi. Alors, quel salafi tu suis? Peut-être que tu n'as pas les mêmes salafs que les ulama. Peut-être que tes salafs, c'est les khawarij. Peut-être que tes salafs, c'est les mu'tazila. Peut-être que tes salafs, c'est les soufis. Hein? Mais ce n'est pas les sahaba et les tabi'in et les tabi'in. Hein? Parce que salaf, ça veut dire les prédécesseurs. Mais il faut savoir qui que tu prends les bons prédécesseurs. Hein? Donc on va s'arrêter ici. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.